ça veut le pendant. Et les gros voisins de Claude Van Damme. J'fume un peu d'Amsterdam. Celle qui est bonne qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, le petit écrase de Doliprane. Si dans le vice tu déconnes, le surbien de l'armée en bécane. Moi c'est une déconne, nanana, et je déconne, nanana. J'sais que j'vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. J'suis plus dans la zone, nanana. J'me suis taillé, nanana. Mi corazón, nanana. J'm'en vais, ça y est, nanana. Pochon dans le sac des choix. Plaquette pour poser, choix. J'ai envie de roder le soir, mais dans la vie faut faire des choix. Souvent tu l'as à mon essai. J'ai fait des sous, ça m'a laissé. Ça m'a haï rabaissé. À mériter des fessées. Tu me racontes tes blèmes. J'ai d'autres soucis. Il m'embelle, il m'aime. C'est la jalousie. Il récolte ce qu'ils aiment. J'suis comme le Don Cosi. Dis-moi ce qu'ils gagnent. Je dis ce que je dis. Ça veut le pendant, les gros bras, j'en Claude Van Damme. J'fume un peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui prend au crâne. Ça veut le pendant, les gros bras, j'en Claude Van Damme. J'fume un peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui prend au crâne. Des fois j'passe par le secteur, ils me reviennent les souvenirs. Les temps pleins dans le quartier, avant de voir les souvenirs. J'vois le salaire d'un joueur ballon, j'vois encore deux tics dans le salon. J'pas changé, j'représente toujours, t'as un soin à faire l'aide pour mettre une salon. Promenade, ça travaille les pecs. Même du parlu, ça arrache des têtes. Tu fais d'une balance, elle m'attend les bêtes. Tu fais d'une balance, elle m'attend les bêtes. Tu me racontes tes blèmes. J'ai d'autres soucis. Il m'embelle, il m'aime. C'est la jalousie. Il récolte ce qu'il s'aime. J'suis comme le Don Cosi. Dis-moi ce qu'il gagne. Je dis ce que je dis. Je dis ce que je dis. Ça veut le pendant, les gros bras en Claude Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui compte au crâne. Ça veut le pendant, les gros bras en Claude Van Damme. J'fume la peu d'Amsterdam, celle qui est bonne qui compte au crâne. Moi j'fume des connes, nanana, et je déconne, nanana. J'sais que j'vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. J'suis plus dans la zone, nanana. J'me suis taillé, nanana. Mi corazón, nanana. J'm'en vais, ça y est, nanana.